La comtesse Gina Pietranera, en revanche, voit, avec le départ des Français, sa situation s'effondrer, jusqu'à la mort de son mari. Elle a alors 31 ans et elle est recueillie par sa belle-sœur au château de Riante, où elle profite des lieux enchanteurs voisins. Grâce à elle, l'ennui, tout étonné, est banni du château féodal. Le 7 mars 1815, on apprend le débarquement de Napoléon au golfe de Juan. Fabrice décide alors de rejoindre les armées françaises et annonce sa décision à sa mère et à sa tante. Il explique sa décision par un présage, la vision d'un aigle se dirigeant vers la Suisse, où il voit un signe de sa destinée. « Je pars, je vais rejoindre l'empereur, qui est aussi roi d'Italie. » Il gagne Paris et tente en vain de voir l'empereur avant de rejoindre l'armée qui se rassemble vers Maubeuge. Arrivé à la frontière, il rencontre à un bivouac des soldats qui le regardent avec soupçon et le prennent pour un espion. Il est alors jeté en prison, où il passe 33 longues journées. La femme du geôlier, qui s'est prise d'affection pour lui, le fait évader, lui fournit un uniforme de hussard et le jeune homme se retrouve sur la route de Waterloo. Après la nuit, sur les 5 heures, il entendit la canonnade. C'était les préliminaires de Waterloo. Fabrice rencontre une cantinière qui, touchée par sa candeur, lui donne des conseils et le prend sous son aile. Il finit, grâce à elle, par rejoindre l'escorte du maréchal Ney qui l'accompagne jusqu'à ce que le bruit des canons retentisse. Nous avouerons que notre héros était fort peu héros en ce moment. Les hommes tombent autour de Fabrice, qui se réjouit d'assister enfin à une vraie bataille autour de soldats dont il se sent très proche. Jusqu'à ce qu'on lui vole son cheval et qu'ils doivent se défaire de tous ces beaux rêves d'amitié chevaleresque et sublime. Dès lors, il erre, perdu, sur le champ de bataille, avant de retrouver sa cantinière du matin qu'il recueille. À peine à la voiture, notre héros, excédé de fatigue, s'endormit profondément. Fabrice se réveille alors que les Français sont en déroute. Recueilli par le caporal Aubry, il tue son premier Prussien, puis participe à la retraite en pagaille. Ayant dérobé un cheval, il retrouve la cantinière qui, aidée du caporal Aubry, tente d'expliquer à Fabrice qu'il doit se cacher, et surtout ne pas dévoiler qu'il a participé à la bataille. Pendant ce temps, la grande question que se pose le jeune homme est de savoir s'il a ou non assisté à une bataille. Il lui semblait que oui, et il eût été au comble du bonheur s'il en eût été certain. Fabrice rencontre ensuite un officier, le colonel Le Baron, qui lui demande de surveiller un pont. Il s'acquitte de sa tâche avec maladresse, ce qui lui vaut des coups d'épée de cavaliers qui veulent forcer le passage. Fabrice, blessé au bras et à la cuisse, est amené dans une auberge afin d'être soigné. Lorsque Fabrice se réveille, la quantité de sang qu'il a perdu l'a délivré de toute la partie romanesque de son caractère. Il se remet en route et manque se trouver mal alors qu'il parvient au village de Zonder. Il est recueilli par un aubergiste, sa femme et ses filles, qui s'occupent de lui et le soignent. Risquant d'être dénoncé et repris par la police prussienne comme ancien soldat de Waterloo, il parvient à Amiens, où il se pose toujours la question de savoir s'il a ou non assisté à une vraie bataille. La comtesse Pietranera lui envoie une lettre lui enjoignant de s'arrêter à Lugano, en territoire suisse, lorsqu'il reviendra vers Griante. En effet, il a été dénoncé par son frère aîné Ascagne comme espion à la solde de Napoléon. À la faveur d'une nuit, il rend cependant visite à sa tante et à sa mère, qui le maintiennent caché pendant une journée avant de partir avec lui pour Milan. Arrivé aux portes de la ville, la voiture de la marquise, de sa belle-sœur et de Fabrice est arrêtée par des gendarmes.